Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a dirigé l'épreuve de tir des compagnies de lance-fusées des grandes unités combinées de l'Armée Populaire de Corée. Sur place, il a été accueilli par le sous-maréchal Fang Byung-sun, chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée et d'autres commandants. À l'épreuve ont participé les compagnies de lance-fusées sélectionnées aux grandes unités combinées. Après avoir écouté au poste d'observation le rapport sur les procédés et méthodes de l'épreuve, le dirigeant suprême a donné l'ordre de commencer l'épreuve. En regardant le service des artilleurs, il a dit qu'il voit que les militaires ont livré les exercices de façon intensive dans les conditions extrêmement difficiles et souligné que les artilleurs doivent livrer les exercices dans les conditions de combat réelles pour être toujours prêts à tirer avec précision. Sur l'ordre de tir, les militaires ont lancé des fusées avec la détermination d'exterminer les ennemis pour mettre à feu leur position en un clin d'œil. Le dirigeant suprême a apprécié les artilleurs pour leur réussite à l'épreuve. Il a dit « La présente épreuve a démontré une fois de plus que si les exercices sont livrés habituellement dans une ambiance de combat réel, en mettant l'accent avant tout sur la précision de tir pour se déplacer et prendre position rapidement, conformément à la mission de combat et au changement de la situation, afin d'évaluer les préparatifs des éléments de tir exacts et d'effectuer les tirs justes, on pourrait bel et bien atteindre tous les buts, n'importe quand, aux éventuels ordres. » Il a dit qu'il faut savoir que l'attitude et la position vis-à-vis des exercices sont celles sur la guerre pour la réunification de la patrie, avant de présenter les instructions précieuses pour consolider les forces d'artillerie. Porter plus haut le mot d'ordre lancé par le parti pour la primauté des exercices, considéré comme essentiel de la révolution des exercices le fait d'appliquer la politique du parti, de moderniser, de scientifiser et de diversifier les exercices dans l'ambiance de combat réel, préparer les artilleurs à accomplir la mission d'un grade plus élevé pour augmenter le nombre de bons tireurs capables de battre les ennemis un contre cent en toute situation. Et d'ajouter. Cette année, on a marqué le début et marque la fin avec les canonnades des artilleurs prêts à battre les ennemis un contre cent. Bien conscient de l'intention du parti qui accorde de gros efforts aux préparatifs de combat d'artillerie, les commandants et les artilleurs sont tenus de rester jour et nuit dans les champs d'entraînement pour ouvrir la brèche à la marche vers le sud par les tirs justes et lancer les salves de la victoire dans la guerre. À l'épreuve, la compagnie de lance-fusées du 8e corps d'armée a occupé la première place, celle du 3e corps d'armée la deuxième et celle du 7e corps d'armée la troisième. Les diplômes, médailles et emblèmes d'artilleurs d'élite ont été remis aux compagnies des 8e, 3e, 7e, 10e et 9e corps d'armée qui ont obtenu de bonnes performances.